l'agonie, chapitre 20. Les étrangers s'écoulèrent par une suite de pièces aux murailles peintes d'obscénité, d'animaux s'entrebaisant, de priapes roidis juchés sur des piédestaux auxquels s'offraient des vierges sous l'œil torve de matrones, de femmes nues en des fonds rouges hantées de singes frénétiques, de lutteurs vaincus violés par des lutteurs vainqueurs, en des entrecolonnements liés de guirlandes, de phallus d'argent poussant à des arbustes découpés en varechs. Quelquefois des cours soleilleuses s'ouvraient à l'extrémité des salles, des portiques s'ascendaient, blancs, des jardins dorés apparaissaient tout à coup. Mais quand ils voulaient y pénétrer, d'autres prétoriens se dressaient, montrant la pointe de leurs glaives. Il s'effrayait maintenant des rugissements grandissants de lions qu'on aurait dit lâchés dans le palais dont ils balayaient le sol de leur queue puissante et vers lesquels ils allaient comme si Elagabalus les eût voués à être dévorés par eux. Et des histoires passaient par leur tête obtuse, des histoires de gens jetés aux lions au milieu des festins de l'empereur. Ils tremblaient tous, les amis s'appuyant l'un à l'autre, ceux qui ne s'étaient jamais parlé se communiquant en langues inconnues. L'angle enlaçant le site, l'Ibère donnant une suprême poignée de main aux Celtes, l'Égyptien embrassant le Nubien, et déjà ils imploraient leurs dieux nationaux dans la profondeur des pièces semblables à des vomitoriums. Les rugissements se rapprochaient, une grande lueur creva devant eux, et les premiers, débouchant dans une salle déserte, virent distinctement une douzaine de lions en liberté qui, se présentant comme des chevaux dressés, se mirent à rugir. Alors ce fut un grand cri. Derrière eux, des prétoriens les frappaient du plat de leurs glaives, piquant même de la pointe les plus récalcitrants. Les portes latérales se fermaient en un éclat gémissant de bronze. Les derniers poussaient les premiers, qui, tombant en plein dans la salle, pâles et implorants, s'agenouillèrent et baisèrent le sol, submergés sous ceux qui suivaient, pendant que les lions se battaient les flancs de leur queue et se secouaient tels que des chiens énormes. Cependant la salle s'emplissait, et les lions ne s'élançaient pas, épouvantés, eux aussi, de ce millier de gens qui s'exclamaient. Se contentant de rugir, ouvrant des gueules effroyables et grattant le parquet de leurs pattes de derrière, soigneusement peignées. Ils furent enfin repoussés par le flot vivant des étrangers. Potitus et Tubero, au premier rang, eurent la sensation d'un mufle frais, puis d'une crinière qui les effleura. Quelques-uns sentirent des pattes peser sur leur nuque gelée. Subitement, sur une puissante poussée, la ligne des lions se rompit. Alors, chose curieuse, les animaux se sauvèrent par une porte sans bruit, sur le commandement d'esclaves noirs qui apparurent armés de crocs. Rien, plus rien dans la salle, sinon les étrangers stupéfaits, se relevant, s'étirant, s'épongeant et se félicitant.